Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Huitième épisode. Pip vit désormais à Londres, où il partage un appartement avec Herbert Pocket, qui est vite devenu son ami. Le père d'Herbert, Matthew Pocket, est chargé de son éducation. Tout à sa nouvelle vie, Pip en oublie presque ses proches restés dans son village natal. Tiens, Del, tu as du courrier. C'est Biddy qui me donne des nouvelles, je pense. Tu as l'air contrarié. L'état de ta sœur n'a pas empiré, j'espère. Non, non. Biddy m'annonce que Joe Gargery arrive demain matin. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je peux passer à Covent Garden et rapporter des fruits frais. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? C'est gentil, Herbert, mais Joe a des goûts simples. Comme tu voudras. À ce soir. À ce soir. J'avais honte, mais la visite de Joe me mortifiait. Ma seule consolation était qu'il n'aille pas chez les Pocket. L'idée que Drummle, que je méprisais, le voit m'était insupportable. C'est souvent ainsi. Nos pires mesquineries sont accomplies par souci de ceux que nous méprisons le plus. Je me levai tôt le mardi matin et m'assurai que la table du petit déjeuner fût apprêtée dans toute sa splendeur. Malheureusement, il pleuvinait et aucun ange n'aurait pu dissimuler que derrière la fenêtre, Barnard's Inn versait des larmes de suie comme un pauvre ramoneur géant. Toujours des bottes trois fois trop grandes. Il va s'arrêter à chaque porte pour déchiffrer les noms. Joe ! Comment ça va, Joe ? Pip, et toi ? Comment ça va, toi ? Entre ! Je suis bien content de te voir. Mais ce que t'as poussé, nom de nom ? Et puis t'es devenu distingué comme les gens comme il faut. Assurément que tu fais honneur à la couronne et à la patrie. Et toi, Joe, tu as l'air très en forme. Dieu merci, je m'en sors pas pire qu'un autre. Et ta sœur pas pire qu'avant, et Biddy pareillement droite et vaillante. Et les autres s'en sortent pas plus mal qu'avant, sinon pas mieux. Sauf Wopsle qui a drôlement chuté. Comment ça, Joe ? Bah oui. Vu qu'il a quitté l'église pour le théâtre, c'est pour faire l'acteur qu'il est venu à Londres avec moi. Et il m'a prié, sans vouloir t'embêter, de te donner ça. Pour la première fois au théâtre de poche, le célèbre amateur de province, digne de l'antique Thespis, dont l'unique représentation sur les pas du plus haut tragique de notre barde nationale a récemment produit la plus grande sensation dans les cercles dramatiques de sa région. Tu l'as vu, Joe ? J'y fus. Ah, voilà mon ami Herbert. Bonjour, monsieur. Bonjour. Herbert, Joe Gargery. Votre serviteur, monsieur, avec tous mes souhaits que vous et Pip... Par là, je veux dire que... Deux beaux messieurs comme vous gardent une bonne santé dans un endroit avec, comme qui dirait, pas d'air. Cette auberge a peut-être une bonne réputation présentement d'un point de vue de londonien, mais personnellement parlant, j'y mettrais pas mon cochon si je voudrais l'engraisser comme il faut et le manger pour qu'il soit bien goûteux. Désolé de ne pas pouvoir rester, mais je travaille à la cité, je dois partir. Une bonne journée à vous, monsieur. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Maintenant qu'on est seuls tous les deux, cher monsieur... Joe, qu'est-ce que c'est que ces chers monsieur ? Maintenant qu'on est seuls tous les deux, et que j'ai pas l'intention non plus que la possibilité de prolonger trop, je m'en vais conclure, ou commencer plutôt par la mention de ce qui m'a amené à avoir le présent honneur. Alors, voilà, cher monsieur, ce qu'il en est. J'étais au batelier l'autre soir, pipe, quand on a vu se pointer Pumblechook dans son cabriolet. Eh ben, pipe, lequel même individu, avec ses façons tonitruantes, il arrive sur moi, où je me trouvais comme d'habitude près de la cheminée, parce qu'une bonne pinte de bière, ça vous retape un travailleur sans l'échauffer, et il me dit comme ça, « Joseph, mademoiselle Havisham, elle veut te parler. » Mademoiselle Havisham ? Elle veut, c'était ses mots, pipe, te parler. Oui, Joe. Continue, s'il te plaît. Le lendemain matin, je m'en vais chez mademoiselle Havisham, qui me dit comme ça exactement, « Monsieur Gargery, êtes-vous en correspondance avec monsieur Pip ?» Vu comme j'avais reçu une lettre de toi depuis ton départ, j'ai pu dire oui. Alors, prévenez-le, elle a dit, qu'Estella est de retour et serait contente de le voir. À la forge, Biddy m'a dit, t'as envie de le voir, vas-y lui dire toi-même. J'en ai maintenant terminé, cher monsieur. Eh, Pip, je te souhaite de bien te porter et que la prospérité t'amène toujours plus haut, toujours plus loin. Tu ne t'en vas pas déjà, Joe ? Mais si, Pipe. Alors, tu reviens pour le dîner ? Mais non, Pipe. Donne-moi la main, mon vieux, mon bon copain. La vie, elle est faite de séparations qui sont soudées pour faire une chaîne. Et il y a des orfèvres, et puis des forgerons, et puis des chaudronniers. Il faut bien les séparer. Et toi et moi, on n'est pas fait pour se voir à Londres. C'est pas de la fierté, mais j'ai besoin d'être comme je suis. Et tu ne me verras plus jamais dans ces habits-là. Parce que c'est pas moi. Tu me trouveras moitié moins défectueux si, à supposer que l'envie te prenne, tu te pointes à la forge et que tu vois Joe le forgeron devant sa vieille enclume dans son vieux tablier roussi, toujours bien occupé à son vieux travail. Je suis une vraie buse, mais je crois bien que j'ai fini par mettre le doigt sur le problème. Alors, que Dieu te bénisse, mon bon vieux Pipe, mon vieux copain. Dieu te bénisse. Il m'effleura gentiment le front et sortit. Sa simple dignité m'avait laissé sans voix. Je devais retourner au village dès le lendemain, c'était clair, comme il était clair que je devais dormir chez Joe. Puis je réfléchis que je n'étais pas attendu, que mon lit ne serait pas prêt, que je serais trop loin de chez mademoiselle Havisham, que je risquais de déranger et qu'il valait mieux que je prenne une chambre au sanglier bleu. Herbert me retrouva au bureau des diligences un quart d'heure avant le départ. Herbert, tu vas voyager avec deux forçats. Avoir ta tête, ça ne fait pas plaisir. Je ne vais pas dire que ça me fait plaisir, mais j'en ai déjà vu. Ils seront sur l'impérial. Et voilà. Ils ont dû payer un coup à leur gardien. Tu as vu comme il s'essuie la bouche, l'air satisfait. Il a deux pistolets et un gourdin quand même. Normal, le deuxième est un vrai géant. Il fait peur avec ses yeux à moitié fermés. Bon, laissez monter les forçats. Pardon, monsieur. Mesdames et messieurs, dû à la présence d'un déménagement qui occupe l'impérial, exceptionnellement, les deux prisonniers voyageront avec les voyageurs. Allez, mesdames et messieurs. Au revoir, Handel. Tout est paré. Bon voyage. Merci, Herbert. Heureusement qu'Herbert ne m'appelait jamais Pipe, car le forçat à la taille de géant était l'homme de l'auberge des Trois Bateliers qui avait touillé sa bière avec la lime de Joe. J'en étais sûr. L'homme qui m'avait donné une pièce enroulée dans deux billets était assis juste derrière moi et son souffle me rongeait la nuque comme un acide corrosif. Je finis par m'assoupir tout en débattant avec moi-même si je devais restituer les 2 livres sterling au prisonnier avant de le perdre de vue. Quand je me réveillais, les premiers mots que j'entendis dans la bouche de mon forçat faisaient étrangement écho à mes propres pensées. 2 billets d'1 livre. D'où qu'il les avait ? À savoir, il les avait peut-être planqués quelque part. Ou des amis lui ont refilé, faut croire. C'est les cailles, nom de Dieu ! Alors, il te dit ? Il me dit, et ça n'a pas traîné, le tout a pris 1/2 minute peut-être, derrière une pile de bois sur les docks. Il me dit, tu vas être relâché. Bah ouais. Alors, est-ce que je lui retrouverai le gosse qu'il avait nourri et pas dénoncé pour lui donner ses 2 bifetons d'1 livre ? Ouais, d'accord. Et je l'ai fait. Non, t'as pas été malin sur ce coup-là. Ou alors, j'en aurais servi à quelqu'un que je connais pour se remplir la panse. Ça te fait un peu bien. Tu dis qu'il savait rien de toi ? Pas la moitié de rien. Il était d'un autre groupe, d'un autre bateau. On l'a rejugé pour évasion et il s'est pris perpète. Tu parles d'une vie. Ouais, c'est pas de pauvre. Pas de pauvre, pas de pauvre. Autant dormir tant qu'on peut. Il n'avait pas pu me reconnaître. J'avais trop changé. Mais la coïncidence de me retrouver dans la même diligence me remplit de la terreur qu'une nouvelle coïncidence lui révèle mon nom. Je me fis arrêter à l'entrée de la ville. Le lendemain, je me levai tôt pour me rendre chez Mademoiselle Havisham, dont j'imaginais les mirifiques projets pour mon avenir. Elle avait adopté Estella, m'avait quasiment adopté, elle voulait nous réunir. Je remettrai les horloges à l'heure. Je ferai entrer le soleil dans la maison. J'allumerai des feux joyeux dans toutes les cheminées. J'arracherai les toiles d'araignée. J'aimais Estella contre toute raison, contre toute paix et tout espoir, contre tout bonheur, et le savoir n'y changeait rien. Après avoir tiré la cloche, je m'appuyai contre la grille pour reprendre mon souffle quand une main sur mon épaule me fit sursauter. Orlick. Ah, mon jeune monsieur. Il n'y a pas que pour vous que tout a changé. Rentrez. Rentrez. C'est contraire à mes ordres de laisser la grille ouverte. Ah oui. C'est moi en personne. Comment es-tu arrivé ici ? À pied, en compagnie de la brouette où que j'avais mis ma caisse. Et tu es là pour de bon ? À mon avis, pas pour de mal, mon jeune monsieur. Alors comme ça, tu as quitté la forge ? Ça fait longtemps que tu es parti de chez Joe ? Ah, les jours sont tellement pareils ici que c'est dur à calculer. C'était quelque temps après votre départ. Remarque, si ça avait été avant mon départ, je l'aurais su. Non, Orlick ? Ah, mais c'est que vous êtes instruit maintenant. Attendez 1 minute, je vais ranger la clé. Je ne connaissais pas cette pièce. Tu dors là ? Ouais, c'est chez moi. Il n'y avait pas de concierge ici avant ? Non, jusqu'à ce qu'on s'avise qu'il n'y avait rien pour protéger la maison. Avec tous les forçats et les malfaiteurs qui grouillent dans le coin. Et le fusil au-dessus de la cheminée, il est à toi ? Ouais. Et il est chargé. C'est bien. Dois-je monter voir Mademoiselle Avicham maintenant? Je veux bien être pendu si je le sais. Moi, ma mission s'arrête là, mon jeune monsieur. Je donne un petit coup de smart aussi sur cette cloche-là. Et vous vous suivez le couloir jusqu'à ce que quelqu'un vous trouve. J'ai reconnu ta façon de toquer. Pardon, je vous dérange. Vous avez de la visite. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Entre, Pip, entre. Comment vas-tu, Pip? Tu me baises la main comme si j'étais une reine, hein? Eh bien, eh bien, j'ai appris, mademoiselle Avicham, que vous aviez la bonté de souhaiter me voir, et je suis venu aussitôt. Tu ne reconnais pas Estella? Mademoiselle Estella, quel plaisir de vous voir. C'est un plaisir que j'attends depuis longtemps. Tu la trouves très changée? Assieds-toi là. Alors, tu ne retrouves pas l'ancienne Estella? Celle que tu trouvais fière et méprisante et que tu fuyais? C'était il y a longtemps et je n'étais qu'un enfant. Vous aviez toutes les raisons de me fuir, je le crains. J'étais très désagréable. Et lui, a-t-il changé? Énormément. Moins vulgaire et moins commun? Vous êtes rentrée pour de bon? J'arrive de Paris et je repars pour Londres demain. Moi aussi, je repars pour Londres demain. Je loge au Sanglier Bleu. Allez donc faire quelques pas dans le jardin et revenez ici. Comme ça, tu pourras me faire faire ma promenade autour de la table. Avec plaisir, madame. Regardez. C'est là que je vous ai vu la première fois. Vraiment? Et là que vous m'avez apporté mon écuelle et ma bière? Je ne m'en souviens pas. Ni de m'avoir fait pleurer? Non. Il faut que vous sachiez que je n'ai pas de cœur. Pour peu que cela ait une quelconque incidence sur la mémoire. Accordez-moi la liberté d'en douter. On ne saurait posséder votre beauté sans avoir de cœur. Oh, j'ai un cœur. Qu'on peut poignarder ou percer d'une balle, je n'en doute pas. Et s'il cessait de battre, je cesserai d'être. Mais il n'y règne aucune de ces bêtises, vous savez. Ni sympathie, ni sentiment. Je parle sérieusement. Si nous sommes amenés à nous revoir régulièrement, vous avez intérêt à me croire sur parole. Je sais ce que vous pensez, mais détrompez-vous. Je n'ai pas placé ailleurs un tendre sentiment. Je n'en ai jamais éprouvé. Si je vous croyais, je ne serais pas ici. Vous ne me croyez donc pas? Très bien. Au moins les choses sont dites. Il va bientôt falloir que vous remontiez pousser mademoiselle Avicham dans son fauteuil comme autrefois. Une habitude qui gagnerait à être remisée avec les vestiges du passé, mais bon. Faisons un dernier tour du jardin. Soyez mon page et prêtez-moi votre épaule. Ma cruauté ne vous fera pas verser de larmes aujourd'hui. Je fus alors effrayé par une sensation fugitive qu'Estella ressemblait à quelqu'un que j'avais déjà vu. Sensation aussi vive que l'éclair et aussi rapidement évanouie. Qui pouvait-elle bien me rappeler ? À notre retour auprès de mademoiselle Avicham, j'appris que mon tuteur dînerait avec nous. Estella nous quitta pour se préparer et Mademoiselle Havisham lui lança un baiser de la main avec une intensité dévorante qui avait quelque chose d'horrible. Tandis que je poussais lentement son fauteuil, il me semblait nous pousser, elle et moi, vers le passé. N'est-elle pas d'une beauté, d'une maturité, d'une grâce exceptionnelle ? L'admires-tu ? Comme tous ceux qui la voient, madame. Aime-la. Aime-la. Aime-la. Comment en use-t-elle avec toi ? Si elle te cajole, si elle te blesse, si elle te déchire le cœur en mille morceaux, aime-la. Aime-la. Écoute-moi bien, Pip. Je vais te dire ce qu'est le véritable amour. C'est une dévotion aveugle, une auto-humiliation absolue, une soumission totale, une confiance et une foi plus forte que son propre jugement et celui du monde, un abandon sans retenue à son bourreau et du cœur et de l'âme, comme j'ai moi-même aimé. Mademoiselle Havisham, attention! Donnez-moi la main. Je vais vous aider. Voilà votre fauteuil. Tenez, buvez. C'est de l'eau. Monsieur Jaggers, je ne vous ai pas entendu entrer. Ah, Monsieur Jaggers, toujours aussi ponctuel, je vois. Voulez-vous que je pousse votre fauteuil un moment, mademoiselle Havisham ? Un petit tour de table ? Non, laissez-moi tranquille et descendez plutôt dîner tous les deux. À votre service, mademoiselle Havisham. Après un dîner austère et une nuit agitée, je retrouvai mon tuteur au petit déjeuner dans la salle du sanglier bleu. Bien dormi, Pip ? Monsieur Jaggers, je voulais vous faire part de mon étonnement quand j'ai découvert le nouveau gardien de la maison de Mademoiselle Havisham. Je connais l'homme et j'ai de sérieux doutes sur sa fiabilité. D'où le connaissez-vous ? C'était l'ouvrier de mon beau-frère, Joe Gargery. Et nous avons eu de gros soupçons sur son rôle dans l'attaque dont ma sœur a été victime. Parfait. Je vais de ce pas lui régler son solde. Ce n'est pas ce que je vous demandais. C'est peut-être un peu rapide. D'autant qu'il ne sera pas forcément facile à manier. Ce serait amusant de le voir essayer de discuter avec moi. Oui. Vous pouvez nous apporter un peu de thé, s'il vous plaît ? C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 8e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Yann Boudot, Dominique Raymond, Mélissa Barbeau, Brice Hiléré, Éric Chalier, Hervé Furic, Philippe Lofredo, René Hernandez, Philippe Magnan. Et les voix de Vincent Aguès, Leslie Menahem, Laura Hatchadourian, Anne-Lise Kedves. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.